Bonsoir. Ça, c'est fait. On va réveiller les cadrés, là. Bien. On peut commencer la lecture. Ils ont envie d'écrire aussi. Voilà. D'abord, la convivialité de cette formidable manifestation. Les habitants, les organisateurs, les écrivains. Très simplement, en grignotant, en buvant un coup. Et en se disant des choses sensibles, pourquoi pas. Génial, pourquoi pas. Bien sûr, nos pieds, nos mains étaient gelés. Mais auprès du feu, bientôt, nous allions devant les adressiens réunis ouvrir notre panier. Le public, l'espèce de, comme ça, de communauté qui se crée, je trouve ça formidable, quoi. Là, les échanges, la discussion. Puis embarquer en balade avec Gilles Malatré et des enfants, stéthoscope sur les oreilles, expérience du réel. On tente de savoir si le cerveau de son camarade possède un son. On y apprend que le tube métallique rugit et que l'herbe parle. Même les enfants ont trouvé leur compte en participant ce matin aux fameuses balades sonores de Gilles. On ferme les yeux et on écoute. Là, tu peux mettre l'oreille gauche ici et puis l'oreille droite ici par exemple. Mais Julie, t'as pas compris. Mais là, t'as les oreilles inversées. Les oreilles inversées. Mais Ouais, vas-y. C'est vraiment. Attends, t'as vu, on dirait de l'eau qui rentre dans nos oreilles. Ah, c'est trop bizarre, hein. La maîtresse, elle a dit qu'il fallait qu'on fasse une balade sonore avec ce monsieur. Et du coup, on est content parce que c'est le dernier jour, on va pas faire de devoir. On met dans l'eau, on dirait que l'eau rentre dans nos oreilles. C'était super intéressant. Pente et âme, nous arpentâmes. Enfin là, c'est la première année où il y a vraiment des propositions dans le paysage, au temps. Et ça s'est super bien déroulé pendant toutes les deux jours d'itinérance là. Hier soir, c'était concert ornithologique avec Bernard Faure et le groupe de jazz La Forge et leur projet Autre chant d'oiseaux. Et ça se passait à Prapoutel, dans une clairière en contrebas d'un somptueux chalet. Ah ben moi j'adore. En fait, je, pour tout dire, j'avais déjà écouté la version, une version en duo avec le clarinettiste Bernard Faure. Et là, avec le quatuor, ben ça m'a permis de redécouvrir une autre version plus étoffée musicalement. Puis voilà, ça fait deux fois que je le vois et deux fois que je le trouve plein d'humour, que je le trouve original, bien emmené. Enfin voilà. Je ne m'en lasse pas, je vais l'envoyer une troisième fois, je pense. Là, il commence à faire un peu frais, mais c'est magnifique. Non, c'est superbe, là. Ça fait de voir, là, le soleil est en train de coucher pour les gens qui ne voient pas à la radio. Donc, il y a des belles couleurs partout, des bleus, la lune, le bel orangé. C'est superbe. S'il ne faisait pas si froid, on dormirait ici. Et je me demandais, il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est donc il y a le paysage, l'art et la culture, mais il y a aussi un très grand point dans ce festival, c'est la notion citoyenne et de questions sociétales. Par exemple, avec Gilles Malatré, on a pu voir qu'il a travaillé avec des détenus du centre pénitentiaire d'Eton. Je me demandais comment vous parvenez en fait à se faire rencontrer ces publics variés et qu'est-ce qui a motivé aussi ce choix? Ouais, c'est un projet en fait qui a maintenant plus de 10 ans, cette rencontre avec le centre pénitentiaire de Eton. C'est une motivation de fond sur tout ce qu'on fait avec Scènes Obliques, c'est-à-dire partager avec le plus grand nombre les propositions artistiques qu'on invite. Et dans le plus grand nombre, on sait qu'il faut aller chercher le public là où il est, peu importe, je dirais. Que ce soit des écoles, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des habitants qui habitent un peu dans des contrées un peu lointaines par rapport à des lieux de spectacle, c'est essayer de tisser des passerelles pour faciliter la rencontre avec l'artiste. Et avec le centre pénitentiaire de Hétton, on sait que c'est dans la loi, justement, comment dire, d'inviter la culture dans ces lieux d'enfermement et d'imaginer que la culture serait vertueuse, justement, pour la question de la réinsertion des personnes qui sont privées de liberté. Ils sont chaque année demandeurs, et je dirais que c'est une invitation qu'on se fait mutuellement de renouveler ce partenariat avec un artiste différent de toute discipline. On est passé par vraiment l'ensemble des disciplines, je crois, jusqu'à présent, et d'imaginer un projet qui soit dedans, dehors. Donc avec vraiment l'idée que l'artiste puisse travailler dans les lieux sur des problématiques plus ou moins avec ces lieux-là, parfois vraiment de manière très éloignée, mais d'autre part, qui est une présence en effet des détenus pendant le festival sur une création qui n'a pas forcément toujours l'objet d'être présentée publiquement, mais sur vraiment un objet de création artistique. Et après, ils sont mêlés dans les équipes de bénévoles, ils participent cuisine, aux équipes techniques, aux entrées, etc. C'est vraiment aussi parce qu'on imagine que l'aventure bénévole, dans la rencontre, elle est aussi très forte. Donc voilà, il y a cette formatrice. Envie. Voilà. Les accueillir aussi dans cette générosité, dans cette convivialité, je pense, de ce qu'est un festival. Et ils sont là 3 jours, et à chaque fois, depuis 11 ans, c'est une rencontre très, très forte. Mais c'était assez dur même de les voir partir. Enfin, ouais. Pendant 3 jours, ils étaient en immersion avec nous. Et de les imaginer dans un... Surtout que c'est extrêmement libre. Enfin, ouais. On est vu sur le paysage très lointain. Ils partagent tous ces moments de vie, ouais. Et de savoir qu'ils vont rentrer du coup le soir d'après en prison, selon des durées différentes selon chaque personne, c'est assez touchant. Eh bien, moi, je suis partie au Cabaret Incertain hier soir, et parmi toutes les propositions, j'ai retenu le paysage sonore de Dedans Dehors. 20h15, nous arrivons à l'ancienne école de Planessar, où a lieu le Cabaret Incertain, une scène ouverte aux artistes amateurs. Donc juste après le premier entracte et les tartines englouties comme si on avait randonné des heures, montent sur scène 3 jeunes hommes qui visiblement n'ont pas vraiment l'expérience de monter sur scène, mais qui encore plus visiblement sont heureux d'être là. Ils lancent Dedans Dehors, créé main dans la main avec Gilles Malatret, qu'on vient d'écouter au micro de Marine justement. Un Dedans Dehors, c'est une immersion sonore dans l'univers carcéral, et c'est bluffant. On écoute Adeline, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, Cyril, Sylvain et Damien, co-créateurs de ce paysage sonore. Le centre pénitentiaire d'Hétton et l'Arpenteur fonctionnent ensemble depuis environ 10 ans. Ça fonctionne sur le même principe à peu près chaque année, avec des ateliers en détention, un artiste, une dizaine de détenus. Et puis on sort sur les 3 jours... Avec 6 détenus maximum, où ils présentent un petit peu leur création qu'ils ont fait, et ils prennent dans ce temps de festival la casquette de bénévole. L'idée, c'est voilà, qu'ils donnent un peu de leur temps et qu'ils puissent participer à ce moment-là, loin de leur routine, de leur quotidien, et puis leur permettre d'avoir connaissance d'autres choses, d'éveiller un peu leur sens à d'autres choses que 4 murs, des bruits de clés et tout ça. Enfin, la première proposition, c'est qu'on a présenté une musique d'un paysage sonore du centre de pénitentiaire de Hétton, où nous sommes actuellement. Et puis la deuxième, c'est qu'on a créé un parcours dans une forêt avec les fonds sonores de la nature. Et bien sûr, notre musique de paysage sonore de la prison. Donc c'est 2 choses différentes, parce que dans le parcours, dans la promenade dans la forêt, il y a aussi des... Le fait d'écouter la nature, d'être en harmonie avec la nature, d'être en symbiose avec la nature, avec différents objets, des amplificateurs de son, qui fait que c'est totalement différent du paysage sonore. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle du paysage sonore. Comment ça s'est passé, cette création ? Gilles est venu vous rendre visite. Vous avez mis combien de temps pour pour créer ce moment dedans, dehors? Ben, il est venu au pénitencier, il est venu là, on a fait pendant 5-6 jours, on a enregistré des sons à l'intérieur de la prison, dans la nature, et on a tout mixé avec des choses qu'on a parlé, des choses en plus qu'on a rajoutées, pour faire découvrir un peu aux gens ce qu'était le milieu carcéral, plus la nature, et c'est vrai que ça nous a fait du bien. Même là, on a fait 3 jours de festival, on était super bien. Bien accueillis, on était super bien. On a retrouvé notre sourire, qu'on avait perdu depuis moi un an. Les autres, je ne sais pas combien de temps, mais moi, depuis un an, j'avais perdu mon sourire. Ben, je l'ai retrouvé ce soir, grâce à Gilles et à tous ceux qui ont participé, les SPIP. Et voilà, et c'était super. Alors déjà, on a enregistré tout ce qui était son d'intérieur du milieu carcéral, donc tout ce qui est bruit de porte-clés, de portes, fermeture de portes, les bruits au micro, par exemple le premier tour, deuxième tour, les sections, tout ce qui est entendu fréquemment du matin au soir, le bruit des chariots, le bruit des surveillants qui passent, qui regardent, qui surveillent, ouais, les bruits des clés, surtout les bruits des clés, porte-clés, gling gling gling. Et plein d'autres choses, même qu'en milieu carcéral, on entend le bruit des oiseaux et de la montagne et de la nature, ce qui n'est pas donné partout, car si on va en région parisienne, on n'entend pas tout ça. Ah oui, alors cette idée de paysage sonore vient de Gilles Malatré, qui s'est investi en venant à la prison et nous a proposé ce projet. Et du coup, à partir de là, on a fait ce qu'a dit mon ami. On a pris les sons sonores du passage sonore de toute la prison et on a mixé, etc. à partir de là. On a fait le montage avec Gilles et 8 détenus, exactement. On est 9 en tout. On a fait le montage sur 4-5 jours. Puis ça vous a quand même permis d'acquérir des compétences, non ? Enfin, vous connaissiez le son, le travail du son ? Non, on ne connaissait pas du tout. C'est Gilles Malatré qui nous a appris justement à prendre les sons avec différents appareils qu'on ne connaissait pas du tout. Et il nous a appris à les manipuler, etc. Et il nous a appris aussi à les mixer. Et à partir de là, on a fait nos propres montages avec lui. Il nous a aidés, quoi. Non, au début, on ne connaissait pas grand-chose. Et avec les heures, on passait comme 6 heures par jour dessus, donc sur 5 jours à peu près. Donc c'est comme pas mal d'heures. On a réussi à créer cette musique que vous avez entendue. C'était une super expérience. Ça nous a fait du bien. On a pu revoir un peu la nature, revoir des gens. Parce que quand on est dans le milieu carcéral, on ne voit pas de gens de dehors. Et qu'est-ce que ça fait du bien. J'espère que ça se reproduira pour les autres détenus qui seront après moi, parce que c'est quand même quelque chose de magique. Ça m'a redonné le sourire. Même si j'ai plus mes dents, j'ai retrouvé le sourire. Et c'est vrai que les sourires de Cyril, Damien et Sylvain étaient communicatifs hier soir à l'Arpenteur. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Gilles Malatré, saxophoniste et paysagiste de formation. Artiste, il travaille sur des installations, promenades et créations sonores depuis 1984. Avant tout, promeneur écoutant, la marche et l'oreille sont ses premiers outils de création, le paysage son sujet. Ayant un goût pour la transmission, c'est également un enseignant-chercheur et un intervenant dans différentes écoles d'art et universités. Il aborde l'environnement de façon esthétique et musicale. Par l'errance et la dérive, il va à la rencontre du paysage, aussi bien urbain que rural. En promeneur solitaire, il se laisse aller à la rêverie, chercheur de son, Gilles Malatré dérobe les infimes détails du paysage sonore. Il met en valeur le réel afin de nous faire percevoir l'imperceptible, les sons auxquels nous ne prêtons pas attention à la première écoute. Arpenteur, il prend la mesure du paysage au gré des marches et nous livre une multitude de plans, tel un géographe sonore. Marchant pas à pas, les pas sont d'ailleurs l'acronyme de ses parcours audiosensibles, ses promenades collectives dont il est à la fois l'hôte et l'accompagnateur. Gilles Malatré invite les marcheurs, marcheuses à l'écoute du paysage, devenant auditeurs, auditrices en éveil. Pour commencer, je me demandais, depuis quand proposez-vous ces parcours audiosensibles et pourquoi avez-vous quitté cette pratique solitaire pour arriver à celle du groupe ? Alors, depuis, il faut que je remonte dans ma mémoire, c'est à l'issue d'un projet dans les années, fin des années 86-87 pour le parc régional du Haut-Jura, où on avait, je dis on parce que c'était avec un collectif de musiciens, d'architectes, d'urbanistes et autres, et d'autres personnes, où on avait fait un grand projet sur 3 ou 4 ans autour du parcours sonore et de paysages sensibles remarquables, en fait. Enfin, on n'appelait pas ça des paysages sensibles, on appelait des points de vue remarquables. Et donc, la première approche qu'on a eue, c'était d'arpenter le paysage, d'arpenter le territoire plutôt. Le paysage vient après. Donc, d'arpenter le territoire avec des autochtones, surtout des bergers, des gardes forestiers, des gens du parc qui connaissaient bien ça. Et de là, de repérer des points d'ouïe remarquables, où il y avait vraiment de belles choses à écouter, et de relier tout ça par des parcours. Donc, marché. Voilà, c'est l'origine de ces pas qui ne s'appelaient pas encore des pas, qui s'appelaient des promenades sonores, des balades sonores. Et qu'est-ce qui définirait du coup un son remarquable ? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent définir un son remarquable. Il y a des sons que je dirais permanents. Par exemple, dans un paysage, un site montagnard comme on a ici, ça peut être un site à écho, un site avec des réverbérations, un torrent avec plus ou moins ses fluctuations. Hiver, enfin, selon qu'on soit, selon la saison en fait, il peut y avoir des événements ponctuels comme des ensenaillements de troupeaux, comme dans certains sites des sonneurs, des cors des Alpes, beaucoup de choses, des événements. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait que ça devienne une pratique collective, dans cette notion relationnelle ? Qui paraît importante aussi dans le partage, en dehors de vos créations sonores qui sont plutôt personnelles. Oui, enfin, je pense que les deux sont liés. En fait, les créations sonores découlent souvent d'un projet en amont, donc c'est pas vraiment dissocié. Je travaille toujours, souvent les 90% des fois, je dirais, les créations sont issues d'un projet collectif. Et pour moi, la façon de... D'abord, c'est un geste de transmission, c'est-à-dire que si moi je me promène tout seul, je vais me transmettre des choses à moi-même, mais ça ne va pas aller très loin. Et le fait d'emmener des gens, des promeneurs écoutants, comme on se nomme dans le groupe, c'est une expression qui n'est pas de moi, qui est d'un musicien qui s'appelle Michel Chion, d'ailleurs, que je lui emprunte. Et voilà, il y a ce geste de transmission, de vivre ensemble un moment, de se rendre compte qu'un paysage peut être musique, qu'il y a des fragilités écologiques, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la lecture auriculaire d'un paysage. Et puis, il y a le fait de faire ensemble, simplement. Je crois que c'est un des thèmes assez chers au festival de l'Arpenteur. C'est-à-dire que, voilà, Nicolas Bourriaud parle de l'esthétique relationnelle, comme quoi le fait de faire ensemble est plus important que la production, s'il y a production. Donc, moi, je travaille beaucoup dans cet esprit. C'est-à-dire faire une sorte de communauté, même éphémère, d'écoutants, avec toute la force qu'a le mot ensemble. Dans l'écoute, marche, dans le geste. Ouais, surtout que le paysage, c'est aussi un bien commun. Et du coup, c'est aussi prendre conscience ensemble qu'on fait partie d'un tout, autant d'un groupe, mais aussi d'un paysage. Et je vous invite à écouter maintenant un passage qui est issu d'un extrait de résidence que vous avez mené dans le Puy-de-Dôme, afin d'entendre à quoi peuvent ressembler les balades sonores avec Gilles Malatré. Thank you. voici un petit passage. Donc vous pouvez percevoir des sons qui paraissent, bah, quand on marche, très insignifiants, mais finalement quand on est en pleine écoute, on se rend compte qu'il y a énormément de sons. Et vous avez aussi travaillé beaucoup dans les villes, donc plutôt dans la dérive urbaine, et également dans le milieu rural. Quel moment vous fait aller plutôt dans un paysage plutôt qu'un autre ? Il y a beaucoup de paramètres à ça. D'abord, il y a les invitations. Oui. Ça peut paraître un paramètre très, très banal, mais voilà, quand on m'invite dans une ville, je vais dans une ville, et quand on m'invite en Belledonne, je vais en Belledonne. Ensuite, c'est aussi une histoire de... Ben, c'est un moment, il y a une affinité où j'ai envie de travailler avec un lieu en festival, donc on essaye de monter un projet. Moi, je dirais que j'ai pas de préférence pour le milieu urbain, périurbain, rural, naturel, entre guillemets, pour ce qui reste de naturel, et de commun d'ailleurs. mais parfois j'ai des coups de cœur, et parfois il y a des opportunités d'aller dans des beaux lieux, donc voilà, c'est un peu au gré des sons. Merci. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des sons, parce que du coup, vous avez quand même ce sens qui est très développé, un son qui vous aurait ému ou bouleversé, même un son banal, mais où un jour vous vous êtes dit, oh, mais en fait, j'avais jamais fait attention et c'est beau. Il y en a beaucoup. Donc la question est compliquée. En fait, ça dépend un petit peu les moments, mais il y a des expériences où les sons ont pris une... Moi, je me souviens d'une promenade sonore où on devait faire un long parcours, et puis on est tombé dans une combe avec des milliers de grillons et puis des chouettes, et la nuit tombait, et on s'est allongé, et au lieu de faire le parcours, on est resté une heure couché dans l'herbe, donc on n'a pas été plus loin dans la promenade. Et voilà, ça, c'est un son depuis les grillons, quand je les entends, ça me renvoie à cette expérience. Après, il y a beaucoup de sons... C'est au fil des ambiances, peut-être. Très bien, bah, c'est une sacrée expérience. Et je trouve aussi que dans votre pratique, j'imagine, vous avez quand même un rapport à la lenteur, à la curiosité, être dans une sorte comme ça de réappropriation du réel. Quel rapport vous entretenez, vous, avec cette notion de l'étonnement, enfin, l'expérience que vous venez de nommer, par exemple, des moments qui sont très contemplatifs. Est-ce que votre pratique, pour vous, elle repose sur ça ? Oui, souvent en tout cas. Je suis un admirateur de Pierre Sansot quand il parlait de la lenteur, de l'éloge de la lenteur. Et donc, le fait de faire les choses lentement, de marcher lentement, et en silence en plus, parce que le silence, ça rajoute une espèce de lenteur quasiment. Il y a effectivement cet effet contemplatif qui entre même en plein cœur de ville. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait une marche grenobloise où j'étais avec des chercheurs en rythmologie, donc des gens assez sérieux. Et il y en a un qui m'a dit à la fin, la lenteur plus le silence, ça rend bienveillant. Et je me suis dit, ben voilà une définition qui me convient assez bien. Merci. Cette bienveillance. Oui, là, dans la marche aussi, il y a cette notion au-delà de la lenteur, mais aussi qui, même si c'est très lent, mais qui permet d'activer aussi la pensée, enfin le mouvement. Et vous êtes un artiste, donc cette marche aussi, elle est au-delà d'être philosophique et réflexive et fonctionnelle, elle est aussi artistique. Pour vous, c'est quoi qui la rend artistique ? Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on écrit un parcours comme on écrirait une partition de musique. Ça veut dire que le parcours est repéré, mais qu'il, en fonction de ce qui va se passer, il est écrit avec des détours, avec des formes d'improvisation. Donc il y a cette forme d'écriture. Et puis il y a tous les dérivés de cette marche, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, la création sonore qui est issue de cette marche, qui n'est plus la marche, qui est parfois ce que les micros ne savent pas dire ou ne peuvent pas dire, pour moi, sur un côté affect. Donc le fait de recréer... pour une installation, pour une création radiophonique, pour quelque chose d'étonnant, comme est-on, comme hier, en fait, on a fait avec les détenus, voilà. C'est cet aspect esthétique, en fait, qui n'enlève pas la militance écologique derrière. Oui, à la fois, vous avez aussi cette démarche, c'est quand même très politique et militant comme manière de créer. Complètement. À mon sens. Et je l'assume. Oui. Et je le revendique. Oui, parce qu'il y a cette notion de lenteur, d'ennui, mais aussi d'économie de moyens, finalement. et de peut-être réappréhender le paysage, c'est peut-être désirer faire attention à lui. Voilà, et montrer ce qui ne marche pas, ce qui dysfonctionne, et montrer là où il y a des saturations en ville et des paupérisations en campagne, parce que voilà, il y a des disparitions. Enfin bon, voilà. Après, je peux vous en parler très longtemps. Oui. Donc. Bah, merci à vous. Merci pour ce moment. Et je vous invite à aller voir sur le site de Gilles Malatré qui s'appelle Des Arts Sonnants, si vous voulez aller plus loin dans les recherches. C'est très fourni de textes et de sons. Également demain, nous avons, bah, vous, si vous êtes disponible, il y a un rendez-vous à 13h30 et à 15h30 pour une balade sonore à chaque fois d'une heure, et sinon à 17h30 pour Écosystème. C'est une création de Gilles Malatré et Bernard Faure, compositeurs, audio-naturalistes et ornithologues. Ils croiseront leurs approches et co-construiront avec le vivant. Ouais, c'est plus une causerie qu'une composition d'ailleurs. Très bien, merci pour la précision. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ici, ben, ça dépend où on se trouve dans le village. Il y a des... Il y a, en bas du village, il y a un aspect très montagnard avec le ruisseau qui passe en bas. Avec, ici, si on l'écoute aux yeux fermés, je ne saurais pas dire si je suis en montagne ou pas, sauf si j'ouvre les yeux. Et après le paysage global que j'entends depuis une petite semaine, ça commence à former un tout. Et une sorte de signature sonore, avec, j'ai le son de la cloche, le son des fontaines dans l'oreille, le son des voix des gens que je croise, le son du village. Donc là, ça, y a, voilà, ça forme un vrai paysage qui s'assemble petit bout par petit bout et qui a sa signature sonore. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Et à celui qui l'écoute. Le paysage entre les deux oreilles, le cinéma par l'oreille, voilà, plein d'images entre nos deux oreilles, exactement.